Biographie de Marie de Gonzague. Texte inachevé de Sœur Cécile, 1929-2010, Carmélie de Lisieux. D'après Archives Carmel Lisieux et Fr Bon Samaritain. Sainte Thérèse d'Avila recommande, dans ses constitutions, de soigner les sœurs malades avec beaucoup d'amour, bon traitement et compassion, conformément à notre pauvreté, chapitre 12. Il faudrait ajouter, avec les remèdes de l'époque. C'est ainsi que Mère Marie de Gonzague entoure trois de ses religieuses, qui meurent en 1880-1882. Sœur Adélaïde de la Providence d'abord. Une vraie sainte. Atteinte en 1875 d'un cancer au visage, pour lequel le docteur nota des conseils à une opération, puis d'un cancer intérieur, elle supporte de grandes souffrances avec une patience héroïque. Les derniers mois, cette sœur presque illettrée s'épanche en naïve poésie. Elle en dédie une à sa prieure, qu'elle tutoie pour la circonstance. Oh, c'est à toi que je m'adresse mon si tendre samaritain, dont les soins remplis de tendresse m'entourent le soir, le matin. Je t'entends, ô merci bonne. Viens, viens, mon bon samaritain qui tout entier à moi, se donne voulant être mon doux soutien. Etc. La communauté participe à l'Eucharistie dominicale, le 17 juillet 1881, quand survient le dernier instant. Restés seuls près d'elle, nous, la prieure, reçûmes son dernier soupir au moment même où le prêtre donnait la sainte communion à toutes nos sœurs. Il nous serait impossible de dire ce que nous éprouvâmes à cet instant si douloureux pour le cœur maternel. Circulaire de Sœur Adélaïde. L'année précédente, Mère Marie de Gonzague avait déjà accompagné pour le grand passage Sœur Marie de Saint-Joseph, dès 15 août 1880, mort d'un cancer du sein à 45 ans. La tumeur avait pris d'énormes proportions. Les derniers jours, la malade, qui ne se plaint jamais, demanda sa prieure avec une tendresse touchante de ne pas la quitter, « Oh, ma mère, nous disait-elle souvent, vous aurez toujours nos sœurs, mais moi, vous ne m'aurez bientôt plus, ne me quittez pas. Point. Il nous eût été difficile, conclut Mère Marie de Gonzague, de ne pas nous rendre au désir de notre chère fille, circulaire. Depuis 1849, Sœur Marie de la Croix, Gosselin, vit comme recluse dans sa cellule. Son intelligence était enfermée dans un cachot qui empêchait la lumière intellectuelle de dissiper les hallucinations qui rendaient la pratique des sacrements impossible à partir de 1866. Elle refuse toute visite, ni confesseur, ni médecin, ni supérieur et pas même sa propre sœur. Elle ne supporte que Mère Geneviève de Sainte-Thérèse et son infirmière, Sœur Adélaïde puis Sœur Marie des Anges. À la fin de 1881, elle décline à vue d'œil. Mère Geneviève se plaint au Seigneur de porter seule une telle responsabilité. Soudain, le 1er janvier 1882, Sœur Marie de la Croix réclame, « Je voudrais voir ma mère Marie de Gonzague, elle la connaît à peine. » Cette bonne mère se rendit bien promptement près de cette chère fille, et jusqu'à sa mort elle eut la consolation de lui donner des soins, que la malade recevait avec un grand bonheur. Le bon Dieu ayant parfaitement rendu la paix à cette chère victime, sa mort fut tellement douce qu'à peine, si la mère prieure qui était près d'elle, avec la mère Geneviève put s'apercevoir de son dernier soupir, c'était le 28 janvier 1882. Par la suite, Sœur Marie du Sacré-Cœur, seconde infirmière près de Mère Geneviève, le 5 décembre 1891, sera témoin d'éveil et fatigue de Mère Marie de Gonzague à son chevet. Sœur Geneviève rendra hommage aux soins que, novice, elle reçut de la même prieure. Quant à la façon dont en 1897, sera traitée Thérèse par cette prieure, qu'on a voulu faire passer pour un bourreau, il suffit de relire les derniers entretiens, notamment les lettres écrites au jour le jour, Page 665, 774. Les faits parlent d'eux-mêmes. La fille couronne la mère. Mère Geneviève avait fait profession, le 22 juillet 1831 au Carmel de Poitiers. L'année 1881, était donc celle de ses noces d'or. Depuis longtemps nous attendions avec une sainte impatience, l'heureux jour où il nous serait donné de célébrer la cinquantaine de notre vénérée mère Geneviève, la prieure en charge ne ménage rien pour donner, tout son éclat au jubilé de la fondatrice, monastère décoré, on y a passé la veille et une partie de la nuit, cadeaux, office solennel, etc. L'instant le plus émouvant est celui où mère Geneviève, renouvelle ses vœux entre les mains de celle qu'elle avait consacrée elle-même épouse de Jésus quelques années auparavant. Lorsque la fille a couronné la mère, quand dans ses mains, elle a reçu ses vœux. Oh, le moment n'était plus de la terre. De bien doux pleurs coulaient de tous les yeux. En son nom et en celui de la communauté, Mère Marie de Gonzague adressa la jubilaire des paroles dictées par l'affection la plus tendre, la délicatesse la plus exquise, la reconnaissance la plus vive, et la vénération la plus profonde. Malheureusement cette exhortation n'a pas été retrouvée. À la messe solennelle se pressait une foule nombreuse et distinguée. Comptait-elle quelques représentants des Buissonnais? Aucun document ne permet de l'assurer. Hirondelle d'un nouveau printemps. Sœur Marie de la Croix, l'une des deux fondatrices bienfaitrices de Lisieux, est donc entrée dans la lumière, le 28 janvier 1882. Le 16 février suivant, Pauline Martin assiste à la messe de 6 heures en l'église Saint-Jacques, avec son père et sa sœur Marie. Elle a 20 ans passés. Elle attend bien paisiblement ses 22 ou 23 ans pour entrer à la Visitation du Mans. Tout à coup, raconte-t-elle, il se fit une lumière très vive dans mon âme, le bon Dieu me montra clairement, que ce n'était pas à la Visitation qu'il me voulait, mais au Carmel. Je n'avais jamais pensé au Carmel, et en un instant, voilà que je m'y trouvais pressé par un attrait irrésistible le jour même. Pauline, femme de décision, confie son secret à Marie et à Monsieur Martin. Bientôt elle va sonner rue de Livarot. À ma première visite au Carmel de Lisieux, je ne comptais pas faire autre chose que de prier la mère prieure de me présenter au Carmel de Caen, car on m'avait affirmé que les places manquaient à Lisieux. La mère Marie de Gonzague qui était prieure, se montra très bienveillante et me dit de ne pas penser à Caen, qu'elle me trouverait bien une cellule dans son monastère. C'est au parloir suivant, je crois, qu'elle me donna une petite image qui me ravit. Rêve du jeune âge. La bergerette. Une bergerette rêvait, et elle me dit que je m'appellerais sœur Agnès de Jésus, souvenir intime de mère Agnès de Jésus. En 1897, Thérèse écrira à sa petite mère, privilégiée de notre famille, vous qui nous montrez le chemin, comme cette petite hirondelle que l'on voit toujours à la tête de ses compagnes, et qui trace dans les airs la voie qui doit les conduire à leur nouvelle patrie, lettre 216. En effet, la première hirondelle des Buissonnais n'arrive pas seule. Une postulante de 9 ans. Le 26 juin 1882 meurt au Carmel de Coutances sœur Emmanuelle de la Présentation, l'une des fondatrices données par Lisieux en 1866. Mère Cœur de Jésus, très fatiguée, demande alors à regagner son berceau religieux. On est en juillet, sœur Véronique, tourière de Coutances, l'accompagne. À Lisieux, elle rencontre autour une gracieuse enfant habillée de bleu avec ses beaux cheveux blonds sur le dos. C'était la petite Thérèse Martin. Elle est présentée à Véronique comme une future novice, et plaisamment Véronique lui dit, « Ma petite demoiselle, il vous faudra encore manger bien des assiettes de soupe avant d'entrer au Carmel. » Sans doute est-ce peu après cette rencontre que la petite demoiselle doit en affronter une autre, décisive celle-là, celle de Mère Marie de Gonzague. Elle a de grandes confidences à lui faire, manuscrit A, 26 recto. Patientons un peu, avant de la suivre au parloir. 6. Première rencontre avec la petite Thérèse, 1882-1883. Nous avons donc laissé la petite Thérèse avec les sœurs Tourrières. C'est un dimanche de l'été 1882, probablement en juillet. Avec une étonnante présence d'esprit, l'enfant a inventé un petit stratagème pour laisser à la porte sa cousine Marie Guérin, confère manuscrit 26 verso. La voici introduite, seule, au parloir où la reçoit Mère Marie de Gonzègue, 48 ans, prieure en sursis. Premier face à face. L'histoire d'une âme permet de reconstituer les grandes confidences de la fillette. Peu auparavant, elle a appris par surprise le prochain départ de Pauline pour le Carmel, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans son cœur. Pauline l'a consolée avec tendresse, et lui a expliqué la vie du Carmel. Thérèse y a pensé dans son cœur et, dit-elle, je sentis que le Carmel, était le désert où le bon Dieu, voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force, qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Je veux être carmélite, non pour Pauline mais pour Jésus seul. Le lendemain de cette grâce, l'enfant a confié son secret à Pauline qui, regardant, ses désirs comme la volonté du ciel, lui dit que bientôt il irait avec elle voir la mère prieure du Carmel, et qu'il faudrait lui dire ce que le bon Dieu lui faisait sentir, confère manuscrit 26 recto. Voilà, c'est fait, elle a confié son secret. Mère Marie de Gonzague a écouté, attentivement. Sans doute a-t-elle eu la même impression que Pauline peu auparavant, Thérèse dit vrai. Déjà en avril 1877, lors des premiers aveux sur sa vocation, l'enfant de 4 ans avait frappé Pauline par son sérieux, elle me regardait avec un air pensif. Sa petite figure avait une expression si candide, tout ce qu'elle me disait partait si bien du fond du cœur, qu'il était impossible de n'y pas prendre intérêt. Lettre de Pauline à Louise Magdeleine 4 avril 1877. La prieure du Carmel est immédiatement convaincue. Dieu a mis dans son cœur une profonde connaissance des âmes, écrira Thérèse, novice, lettre 93, 14 juillet 1889. Elle sait, dès ce jour, qu'elle est en présence d'un être authentique, totalement vrai. Elle croit Thérèse. Elle croit en Thérèse. Il en sera ainsi désormais jusqu'au 30 septembre 1897. Mère Marie de Gonzette crut à ma vocation, mais elle me dit qu'on ne recevait pas de postulante de 9 ans, et qu'il faudrait attendre mes 16 ans. Je me résignai malgré mon vif désir d'entrer le plus tôt possible, et de faire ma première communion, le jour de la prise d'habit de Pauline, manuscrit 26 verso. Ma petite fille. Pauline entre au Carmel le 2 octobre 1882, jour de l'armée de bénédiction, manuscrit 26 verso. Immense déchirure dans la vie de l'enfant. Peu après, Thérèse revoit Mère Marie de Gonzague au parloir, accompagnée cette fois de toute la communauté, curieuse de rencontrer la petite sœur de sœur Agnès de Jésus, la postulante de 9 ans. La prieure demande aux sœurs quel nom on donnera à celle-ci, le jour venu. Puis, il lui vient à la pensée de l'appeler du nom qu'elle avait rêvé, Thérèse de l'Enfant Jésus, confère manuscrit 31 verso. Grande joie pour la petite Thérèse. Mais bientôt les troubles psychologiques se manifestent. La fillette supporte mal l'autorité, un peu tracassière, de sa nouvelle maman débuissonnait, Marie, et le souvenir de Pauline devient obsédant. Les confidences à Mère Marie de Gonzague se poursuivent par écrit. Thérèse ouvre le dialogue, nous corrigeons les fautes. Ma mère chérie, il y a bien longtemps que je ne vous ai vue, aussi je suis bien content de vous écrire pour vous raconter mes petites affaires. Pauline m'a dit que vous étiez en retraite, et je viens vous demander de prier le petit Jésus pour moi, car j'ai bien des défauts et je voudrais m'en corriger. Il faut que je vous fasse ma confession. » Depuis quelque temps je réponds toujours, quand Marie me dit de faire quelque chose, il paraît que lorsque Pauline était petite et qu'elle s'excusait amèrement, elle lui disait, « Autant de trous, autant de chevilles, mais moi c'est bien pire encore. Aussi je veux me corriger et dans chaque petit trou mettre une jolie petite fleur, que j'offrirai au petit Jésus pour me préparer à ma première communion. N'est-ce pas, ma mère chérie, que vous prierez pour cela ? Oh Louis, ce beau moment viendra bien vite, et comme je serai heureuse quand le petit Jésus viendra dans mon cœur d'avoir tant de belles fleurs à lui offrir. Au revoir, ma mère chérie. Je vous embrasse bien tendrement comme je vous aime. Votre petite fille Thérésita, lettre 9, novembre-décembre 1882. Merveilleuse franchise. Voilà une future carmélite, qui ne prend pas de détour pour battre sa coulpe. Plus merveilleuse encore l'audace, déjà, de cette petite Thérèse, qui change ses fautes en fleurs pour les offrir à Jésus. Mais bientôt, les maux de tête continuels altèrent la santé de l'enfant. C'est au tour de Mère Marie de Gonzague de prendre la plume. J'ai appris que ma petite fille Thérèse de l'enfant Jésus ne dormait pas beaucoup et qu'elle était souffrante. Je viens dire à mon ange d'enfant qu'il ne faut pas qu'elle pense toute la journée à mon Agnès de Jésus, cela fatiguerait notre petit cœur et pourrait nuire à notre santé. Je permets à ma future petite fille de penser à sa sainte petite sœur carmélite devant le Jésus de son cœur, mais jamais pendant la nuit. Thérèse dormira toute la nuit, mangera tout ce que sa bien-aimée sœur Marie voudra qu'elle mange, et dès maintenant, pour se préparer à sa première communion, elle va être bien obéissante. Si ma petite fille chérie suit bien ce que je lui conseille, elle fortifiera sa santé et pourra venir retrouver son Agnès de Jésus et, comme elle, devenir une bonne et fervente épouse de Jésus. Je vous baise de tout mon cœur, ange d'enfant, et prie Jésus de bénir sa petite fiancée. Vous avez une grande place dans mon cœur, ma Thérèse, et mon bien Jésus. Sœur Marie de Gonzague, registre du commerçant. LC6, fin décembre 1882, ou janvier 1883, CG1, page 135. Affection maternelle, virilité d'éducatrice, bon sens, le ton est donné. C'est ainsi que Mère Marie de Gonzague traitera son ange d'enfant jusqu'au bout. Notre si bonne mère. Le 31 janvier 1883, ont lieu les élections de communauté, la mère Geneviève fut élue prieure, sœur Marie des Anges sous-prieure, mère Marie de Gonzague première dépositaire, c'est-à-dire économe et sœur Fébronie troisième dépositaire de plus. Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, précédemment maîtresse des novices, confie cette charge à Mère Marie de Gonzague. Quelle demande celle-ci reçoit-elle de sa Thérésita ? Elle n'a pas gardé sa lettre, mais lui répond, un matin de carême, aux aurores. Ma chère petite Thérésita, je vous embrasse de tout mon cœur qui vous aime bien fort, après Pâques je vous verrai, et je vous donnerai une bonne réponse, selon vos désirs, espoir et confiance. Le saint temps de pénitence me force au silence aujourd'hui, vous pouvez m'écrire aussi souvent que votre petit cœur le voudra, notre si bonne mère est tout à fait heureuse de notre union, ange chérie. Votre mère est sœur Marie de Gonzague, registre du commerçant. Je vous écris avec les yeux de la foi, je n'y vois pas, il est 5h30 et je suis sans lumière. Dormons bien et mangeons beaucoup, LC9, en CG1. Page 138 secondes. Mais l'heure n'est plus au conseil. Au milieu de toutes ces mères, perdues et retrouvées, au Buissonnet ou au Carmel, le cœur de la petite Thérèse ne résiste pas. Elle craque nerveusement, le soir de Pâques, 25 mars 1883. Maman, manuscrit A, 57 recto. On sait la suite, manuscrit A. 27 recto, 31 verso, étrange maladie de presque 2 mois, devant laquelle la science capitule. Enfin, Le dimanche de Pentecôte, 13 mai 1883, c'est l'ultime assaut. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Manuscrit A, 30 recto. La seule et vraie maman de tous les humains, répond par un ravissant sourire. Marie, Martin, comprend tout, Thérèse est guérie. Elle court porter la nouvelle au Carmel. Thérésita, la postulante en herbe, ne doit pas nous faire perdre de vue la vraie postulante du 2 octobre 1882, Pauline Martin, devenue sœur Agnès de Jésus. Mère Marie de Gonzague l'accueille en tant que prieur, Mère Geneviève comme maîtresse des novices. Les rôles s'inversent aux élections du 31 janvier 1883. 7. Mère Marie de Gonzague, maîtresse de noviciat, 1883-1886. Pour les postulantes et novices de 1883, notre mère devient donc mes mères. Le noviciat comprend alors. Sœur Marie-Emmanuelle, veuve de 54 ans, professe depuis le 7 octobre 1880. Sœur Marie de Saint-Joseph, 24 ans, la professe du centenaire, 17 octobre 1882, désignée comme ange de Sœur Agnès. Sœur Isabelle des Anges, une postulante qui se trouve encore là à Noël 1882, confère LC5. Mais qui ne restera pas. De nouvelles recrues s'adjoindront au groupe en 1883-1884. Sœur Marie de Jésus, 21 ans, le 26 avril 1883. Sœur Marie Philomène, 45 ans, le 7 novembre 1884. Mère Marie de Gonzague est à la veille de sa 50e année, dans toute sa maturité. Je m'attachais beaucoup à elle, confiera plus tard Mère Agnès. Elle était grande, distinguée, elle me témoignait une affection très particulière, pieuse aussi, et d'une grande franchise, avec une certaine candeur qui avait des charmes. Vêture de Sœur Agnès de Jésus, 6 avril 1883. Le 13 mars 1883, Mère Geneviève de Sainte-Thérèse informe Monsieur Martin. C'est avec bonheur que je vous fais part de la réception de votre chère fille. Toute la communauté en est dans la joie, ce qui vous dit, monsieur, combien on l'aime, LD449. Des parents sont toujours heureux de tels compliments. Et de fait, la gentille Pauline s'est gagné les cœurs. Cérémonie fixée au vendredi 6 avril, fête reportée de Saint-Joseph. Bien qu'elle ait été chez les Guérin depuis Pâques, 25 mars, la petite Thérèse peut rencontrer sa Pauline en mariée, au parloir extérieur, avant la cérémonie. Elle s'assoit une fois encore sur ses genoux, la comble de caresses, confère manuscrit A, 28 recto. Mais bien vite on la ramène au buissonnet. Sœur Agnès se souvient, je la vois encore entrer au parloir, si douce. Si belle. Elle avait une robe de cachemire bleu ciel, une ceinture de soie de même couleur, un grand chapeau blanc avec une plume d'autruche. Pendant la maladie de l'enfant, il n'a guère de lettres de Pauline, qui ne transmettent un message de ce genre. Quand je vais voir ta mère Marie de Gonzague, nous parlons de toi toutes deux comme d'une petite fille bien aimée, gâtée. Elle te chérit bien fort aussi. Cette douce maman de ton âme, LC12, mai 1883. Pauline attend Thérèse, mars mai 1884. Ayant pris l'habit le 6 avril 1883, Sœur Agnès peut espérer faire profession, le 7 avril 1884, selon les habitudes de l'époque. Elle doit donc être présentée, toujours selon les us et coutumes, au vœu des sœurs capitulantes environ un mois auparavant. En fait, l'admission est différée d'un mois. Un texte tardif l'attribue à une jalousie inconsciente de Mère Marie de Gonzague, qui aurait souhaité se réserver l'honneur d'une telle profession, après son retour au prieurat, soit en 1886. La légende ne tient pas debout. Passer outre, aurait dit une Jeanne d'Arc en pareille occurrence. Revenons aux faits. Le 28 mars 1884, sœur Agnès exulte, « Mon petit père chéri, je viens te faire part de ma joie, je suis au Carmel pour la vie. Mère Marie de Gonzague me charge de te dire, mon petit père, qu'elle est bien heureuse de garder toujours ta Pauline, LD 482. Mère Geneviève confirme le même jour, c'est avec une joie égale à celle de votre cher enfant, que je vous fais part de son admission à la sainte profession. Son désir serait que ce jour tant désiré, aurait la même date que la première communion de votre cher ange. Nous espérons, monsieur, pouvoir condescendre à ce désir. Vous êtes un père vraiment heureux, car Dieu verse à grand flot ses bénédictions sur votre intéressante famille, LD 483. 28 mars 1884. Pour aider sa petite fille à se préparer au premier baiser de Jésus dans l'Eucharistie, sœur Agnès lui a confectionné un carnet de prières pour mars avril. La première communion aura lieu en mai, et la novice s'interroge sur la date exacte, LC 26 et 27. Enfin la bonne nouvelle, c'est le 8 mai, LC 28. Chaque semaine, la petite Thérèse reçoit une lettre de Pauline, il n'y a pas de carême qui tienne. Comme en 1883, elle peut lire presque à chaque fois, Mère Marie de Gonzague embrasse sa petite fille Hélène de tout son cœur, LC 23, etc. On n'a jamais vu ça, 7 mai 1884. Mère Geneviève est maintenant trop infirme pour monter à la salle du chapitre le 8 mai. Il est décidé que la cérémonie des vœux aura lieu au rez-de-chaussée, dans l'oratoire intérieur. La sous-prieure, l'excellente Marie des Anges, aidée de sœur Marie de Saint-Joseph et d'autres sœurs, n'en finit pas de décorer le petit sanctuaire. Rien de trop beau pour fêter à la fois la fondatrice bien-aimée, la jeune professe et la première communiante, future postulante. On se croirait presque revenu au jubilé du 22 juillet 1881. Le soir du 7, après l'office de matine, commence la veillée de prière au cœur, autour de la jeune professe. Auparavant, Mère Marie des Anges prie Mère Marie de Gonzague d'aller admirer les décorations à l'oratoire, avec sœur Agnès. Ce n'est galère. La maîtresse refusée reste au cœur. Au bout d'un moment cependant, elle rejoint sœur Agnès à l'oratoire, et n'en croit pas ses yeux, couronne entrelacée, écussons, fleurs, reliques et lampes sur l'autel, deux colombes, Agnès et Thérèse. Elle se fâche pour de bon, c'est beaucoup trop faire, on n'a jamais vu cela, etc. Certes, rien de trop pour les demoiselles Martin, mais pensons un peu aux autres jeunes sœurs. Sans famille ou presque sans fête. Et Mère Marie de Gonzague regagne le cœur. La pauvre Pauline a le cœur brisé, que de choses peuvent faire saigner un cœur sensible comme le mien, avouera-t-elle bientôt, LD 489, 12 juin 1884. Elle se réfugie à l'ermitage du Sacré-Cœur, et pleure à chaudes larmes. Elle s'en veut surtout. Elle le confiera un jour, d'éprouver de telles angoisses à cause de sa maîtresse, au lieu d'être tout à la joie de son union avec Jésus. Elle supplie la Vierge Marie de détacher son cœur de sa maîtresse. Comme au Tabor, 8 mai 1884. Au matin du 8 mai, la novice s'est ressaisie et prononce ses vœux dans une grande paix. Mère Geneviève me parla comme une sainte et j'oubliais mes peines. À la fin de l'après-midi, je vis ma petite Thérèse au parloir, avec son voile blanc comme le mien. Elle me regardait avec un air si profond et si doux. Quels instants pour nous deux! Je sortis du parloir tout réconfortée, un peu comme les apôtres quand ils descendirent du Tabor. Une atmosphère céleste m'environnait. Mère Marie de Gonzague offre une image à Thérèse avec ses lignes. Mère Marie de Gonzague à son enfant chéri, sa Thérésita. Souvenir d'un jour doublement cher au cœur de la mère de ses enfants bien-aimés. Sa Thérèse reçoit son Jésus pour la première fois. Son Agnès s'unit à l'époux des Vierges, au roi des rois. Oh, oui, je comprends, LD 523. On a parfois présenté Mère Marie de Gonzague comme une sorte de bourreau, de soi-même et des autres, à la santé de fer. Les documents, au contraire, la montrent souvent malade, asthme, allergie. En tout cas, fréquente bronchite, confère manuscrit C, 14 verso. Le 28 mars 1884, Pauline Mandy déchique à son père, « Ma pauvre mère Marie de Gonzague est bien souffrante, sa pauvre poitrine est si oppressée que cela fait pitié, il n'y a, que cela, succède et chic, qui lui fait du bien, LD 482, Madame Guérin elle, donnera bientôt de la confiture de rhubarbe. » Mère Marie de Gonzague a caché ses peaux comme des trésors, elle avait peur qu'on lui envole pour l'infirmerie, je ne pouvais m'empêcher de rire hier en lui aidant. LD 492, fin juin 1984. Seule Thérèse saura parler du cœur, si aimant de Mère Marie de Gonzague, lettre 190. Il permettait à celle-ci de comprendre beaucoup de choses, de la vie humaine comme de la vie spirituelle. Son éducation première, à la visitation de Caen, ne pouvait que développer ce don, en la centrant sur le cœur de Jésus, et dans la confiance et l'abandon. C'est la Pauline de 1884 qui trace ces lignes. Je voyais ma mère tantôt, et elle me parlait de cet abandon de l'âme, source de délices et de paix même dans la souffrance. Je le comprends, cette confiance, cet abandon plein de tendresse, qui ravit ici-bas le cœur de nos pères et mères, comment ne toucherait-il pas le cœur de notre Père du Ciel? LD 491, 26 juin 1884. Grand brisement de cœur, pour Marie Martin cette fois, quand le père Pichon s'embarque pour le Canada, 4 octobre 1884. En juillet 1885, elle reçoit de lui une fleur cueillie sur le rocher tout près des cataractes du Niagara. C'est retourner le fer dans la plaie. Pour une fleur, elle-même, tout est brisé, écrit alors Marie à sœur Agnès. Mère Marie de Gonzague relit plusieurs fois, cette phrase est dit à sa novice, « Oh, oui, je comprends cela, LD 523, 27, 28 juillet 1885. » Et peu après, au sortir d'un parloir, « J'ai raconté tout notre parloir à la mère unique que tu connais, si tu savais comme elle comprend bien tout. Je l'aime de plus en plus. Je crois que son affection pour toi a encore redoublé la mienne, LD 525, août 1885. Attention, hirondelle Marie, attention. Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, achève péniblement son dernier prieurat. Depuis 1884, l'enflure des jambes est telle qu'elle ne supporte plus la station debout. On la porte dans un fauteuil, non roulant, de l'infirmerie au cœur, du cœur au chauffoir, où elle passe ses journées dans une petite pièce contiguë, la Sainte-Baume comme elle l'appelle. Elle a plus de 80 ans lorsqu'elle rentre définitivement dans l'ombre, si cachée, si obéissante qu'on l'eût prise pour une novice plutôt que pour une ancienne prieure et fondatrice. 8. Un prieurat fécond. 1886-1889. Les élections se déroulent le 3 février 1886. La mère Marie de Gonzague fut élue prieure, la sœur Fébronie sous-prieure, la sœur Marie des Anges première dépositaire, et la sœur Saint-Stanislas troisième dépositaire sœur Marie des Anges, nommée maîtresse des novices. La communauté compte alors 24 sœurs, dont 5 converses et plusieurs infirmes. Au noviciat, 2 jeunes professes, Agnès de Jésus et Marie de Jésus, et une novice d'âge, mûre, sœur Marie Philomène. Celle-ci fait profession entre les mains de Mère Marie de Gonzague, le 25 mars 1886. Pieux complot. Les travaux d'approche se multiplient autour de Marie Martin, depuis l'été 1885, ce que le père Pierre qualifie de pieux complot. Au parloir ou par écrit, Pauline la presse dans ses derniers retranchements. Quand est-ce que tu vivras de la même vie, et sous le même toit que moi, LD 528, j'appelle l'avenir de tous mes voeux, tu sais bien quel avenir, LD 550, que cette année, 1886, soit pour toi et pour moi la grande année. Ah, si tu savais comme je te désire, comme je sens de plus en plus ta place marquée à côté de moi, dans ce petit cloître béni, LD 555. Mère Geneviève, encore prieure, félicite Marie de la vocation, dont son amour vous gratifie, et choisit déjà son nom, Marie de la Croix, LD 546. Mais Marie se fait tirer l'oreille. J'entrerai quand le bon Dieu me le dira, mais il ne m'a pas montré assez clairement sa volonté, ne crois pas, rétorque sœur Agnès, qu'il t'apparaîtra pour cela. Tu vas avoir 26 ans, il est temps de prendre une décision, je ne le ferai pas de moi-même. Puisqu'il sait bien que je veux faire sa volonté, il m'enverra plutôt un ange pour me le dire, confère Père Pia, Marie Martin, page 89. Alertée en secret par sœur Agnès, avec l'indispensable complicité de Mère Marie de Gonzague, l'ange se manifeste, par la plume du Père Pichon, alors au Canada, répondez à ma question. Quand serez-vous donc Marie du Sacré-Cœur? Que pensez-vous de votre présence dans la famille? Est-elle encore nécessaire, LD 558, il faut s'exécuter. L'entrée est fixée au 15 octobre 1886. Le miroitage des eaux. Sœur Agnès avait écrit, peu de temps avant, « Notre mère aime bien sa Marie, cela me fait tout à fait plaisir. Je me dis, au moins, elle sera comprise de ce cœur-là, LD 564. Comprise, et même éprise de ce cœur-là. » Sœur Marie du Sacré-Cœur s'attache passionnément à Mère Marie de Gonzague. Avec indulgence, la prieure passe sur bien des choses chez la postulante puis la novice, généreuse certes, mais si peu conformiste, et guère régulière. Au soir de sa vie, l'intéressée reconnaîtra qu'elle devait à cette largeur d'esprit d'avoir reçu l'habit, 19 mars 1887, et fait profession, 22 mai 1888. La médaille à son revers. Sœur Agnès, qui achève son noviciat le 21 juin 1887, ne le comprend que trop bien, par expérience, le charme d'une mère prieure comporte bien des écueils chez une jeune religieuse. Elle essaie donc de dégriser sa sœur Marie, « Notre mère est un rayon de la bonté de Dieu, un filet d'eau limpide et transparent découlant du fleuve éternel, on peut s'y désaltérer, mais pour ne plus avoir soif, il faut remonter à la source, LD 600. Ma colombe a des yeux de colombe, mais quand elle va se désaltérer aux fontaines d'ici-bas, le petit passereau qui veille prouve que le miroitage des eaux de cette vie fait encore trop d'effet sur son cœur, LD 604. Il en fera bien des années encore. Et ma reine n'en admirera que davantage l'héroïsme de sa filleule devenue carmélite. Thérèse saura très tôt se priver d'aller boire à cette source enchantée, lettre 75. Qu'on ne croit pas pour autant à de la faiblesse chez Mère Marie de Gonzague, mais elle a ses méthodes. Presque octogénaire, Sœur Marie du Sacré-Cœur rapportait en riant cette anecdote à son infirmière. Un jour, toute jeune religieuse, elle n'en pouvait plus de combat contre une sœur. Elle frappe chez la prieure pour décharger son irritation. Mère Marie de Gonzague, en train d'écrire, écoute le déluge de paroles sans même lever la tête. Quand la plaignante a épuisé ses griefs, la mère se tourne vers elle et se contente de conclure en réitérant cette seule question dans un crescendo expressif. Et vous, ma sœur Marie du Sacré-Cœur. Et vous, ma sœur Marie du Sacré-Cœur. Et vous, ma sœur Marie du Sacré-Cœur, stupéfaite, interloquée, Marie se retire sans demander son reste. Bientôt leur temps désiré. D'abord atterré par l'annonce, en août 1886, du prochain départ de Marie, leur seconde, ou troisième, mère, Céline et Thérèse se ressaisissent peu à peu. Après sa métamorphose de Noël, la Benjamine, 14 ans en janvier 1887, connaît une plénitude humaine imprévisible. Reine et maîtresse au Buissonnet, les deux jeunes filles goûtent l'idéal du bonheur, manuscrit A, 49 verso. Pas pour longtemps. Portée par une grâce irrésistible, Thérèse brûle les étapes pour réaliser sa vocation. Si Marie du Sacré-Cœur est plus que réticente, sœur et nièce de Jésus est la meilleure avocate de sa petite sœur auprès de Mère Marie de Gonzague. La prieure s'engage à fond en faveur du projet, pourtant si peu raisonnable à vue humaine. Elle inaugure, ou mieux elle développe son rôle d'éducatrice auprès de sa Thérésita chérie. Céline se plaint-elle que celle-ci ne mange pas assez? La réprimande arrive. Où donc est la promesse faite par mon petit enfant de manger beaucoup beaucoup? Il faut faire comme si nous étions au Carmel, eh bien, lorsque nous serons au réfectoire, il faudra prendre tout ce que l'obéissance nous donnera. Si on a mal à la tête, c'est la faiblesse, il faut manger davantage, convenu. Est-ce que mon Séraphin ne veut pas venir retrouver ses aînés si heureux au service du bon Dieu? Si on ne prend pas la nourriture nécessaire, on ne pourra réussir. Du courage, enfant du cœur, patience et espérance, les années marchent, les mois sont courts, les jours sont des heures et bientôt leur temps désiré sonnera. LC 53. Et pendant le voyage à Rome, quand les affaires de Thérèse paraissent s'embrouiller, tout ce que Jésus veut est marqué du sceau de la croix, et il ne faut pas traîner cette croix mais la porter, plus vous errez, trésor d'enfant, plus vous comprendrez tout ce que la grâce de la vocation, que Jésus vous a donné, mérite de sacrifice pour son amour, LC 62. Après le fiasco de l'audience de Léon XIII, 20 novembre 1887, et devant l'intransigeance irritée de Monsieur de la Troette, sœur et nièce de Jésus est comme décontenancée. Mère Marie de Gonzague ne démissionne pas pour autant, et s'adresse à Monsieur Guérin. Je crains fort Monsieur le supérieur entêté, pour vous seul ce mot, on ne connaît vraiment pas la raison de l'enfant, LD 656. Et le 15 décembre 1887, au même. Moi, je ne puis rien faire pour le moment, l'enfant doit rester dans le silence, comment nous tirer de là? Il me semble, monsieur, qu'il n'y a rien que votre perspicacité qui puisse y arriver. Je crois qu'il faut un miracle, pour que la chère enfant soit exaucée dans son désir de Noël, LD 658. Le miracle n'aura pas lieu. Mais le 28 décembre, Monseigneur Huguenin autorise Mère Marie de Gonzague à recevoir la postulante de 15 ans. Hélas! Cette fois c'était l'Arche Sainte qui refusait son entrée à la pauvre petite colombe, manuscrit A, 68 recto. Pauline s'inquiète soudain pour sa petite fille des rigueurs du carême, qui commence dès le 15 février 1888. Elle sollicite un sursis. Attendons après Pâques. On ignore la réaction de Mère Marie de Gonzague, mais elle se range à ce parti. Travaux. Achevés officiellement par la plantation du calvaire en 1877, le monastère demande encore bien des aménagements. La prieure décide en 1887 d'en finir avec cette humidité qui persiste au réfectoire et dans les cloîtres, depuis la grande inondation, 1875. Béton et crasse de forge assainissent d'abord, le terrain et l'on remplace les pavés rouges, réutilisés dans les greniers, par des noirs, gris, blancs, dessinant une sorte de damier. On reconstruit les quatre perrons du préau, en face des allées qui conduisent au calvaire. Amélioration et peinture au réfectoire, peinture et lambris neuf au chauffoir. Dans sa pauvreté, le petit Carmel Lexovien, fin prêt pour fêter ses 50 ans d'existence, les fondatrices arrivaient le 15 mars 1838, et pour accueillir la jeune Thérèse Martin. 9. Une éducation forte et maternelle, 1888-1893. Voici donc Thérèse postulante à 15 ans, bien décidée à se donner tout entière à Jésus, à ne plus vivre que pour lui, LT 43. Mère Marie de Gonzague, prieur, prend en main la réalisation de cet idéal. Tout est parfait, tel est le constat qu'elle fait après un mois d'observation. Jamais je n'aurais pu croire un jugement aussi avancé en 15 années d'âge, pas un mot à lui dire. Oui, une perfection. Pourquoi douter de la sincérité de ces lignes adressées par la prieure à la tante Guérin, 17 mai 1888 ? Thérèse ne l'ignore pas, sa mère l'aime beaucoup et dit d'elle tout le bien possible, manuscrit A, 70 verso. La tentation n'en est que plus grande d'exploiter cette disposition pour se faire cajoler. Mère Marie de Gonzague est trop perspicace, et la postulante trop fidèle à la grâce, pour que pareil malheur vienne compromettre l'œuvre de Dieu. À dessein, la prieure va donc se montrer très sévère. Faut-il noter que, dans quelques années, les novices en diront autant de leur jeune maîtresse, Thérèse de l'Enfant Jésus, manuscrit C, 23 recto. Dans Histoire d'une âme, 1898, Mère Agnès rapportera deux réprimandes de Mère Marie de Gonzague, l'une devant les sœurs. On voit bien que nos cloîtres sont balayés par une enfant de 15 ans, c'est une pitié. Allez donc ôter cette toile d'araignée, et devenez plus soigneuse à l'avenir. L'autre concerne le jardinage imposé à la postulante par Sœur Marie des Anges, maîtresse des novices, pour lui donner de l'exercice avant l'heure d'oraison de 17 heures, mais enfin, cet enfant ne fait absolument rien. Qu'est-ce donc une novice qu'il faut envoyer tous les jours à la promenade? Lenteur, peu de dévouement dans les emplois, sont les reproches habituels que Thérèse entend dans ses rares entretiens avec sa prieure. Au demeurant, ces procédés font partie du programme du noviciat de cette époque. La postulante, loin de se sentir persécutée, doit plutôt surmonter un attachement excessif à Mère Marie de Gonzague. Elle trouve une foule de permissions à demander pour justifier des visites au bureau de celle-ci, uniquement pour trouver quelques gouttes de joie, contenter sa nature, manuscrit C, 22 recto. Elle doit se cramponner à la rampe de l'escalier pour se refuser ses consolations du cœur. Un jour, son aînée, Sœur Marie du Sacré-Cœur se fait démontentateur, elles passent ensemble devant la cellule de la prieure. Marie va justement y entrer. Elle fait signe à Thérèse de la suivre, mais cette dernière descend rapidement l'escalier. Voyant son héroïsme, j'avoue que je fus confuse en me comparant à elle. Notre Marie dans ses notes préparatoires au procès. Conseil spirituel. On a retrouvé dans les papiers de Thérèse, après sa mort, plusieurs des billets que lui adressait sa prieure, soit pendant ses propres retraites, soit au moment de la vêture. Le ton est des plus affectueux, mais les conseils maintiennent avec virilité, l'aspirante à la sainteté sur des chemins de foi. Je ne veux pas que l'enfant de ma tendresse se laisse aller à une si grande tristesse. Je ne sais rien pour la prise d'habit. Avant de se faire de la peine, il faut attendre, lettre du 6, 10 décembre 1888. Que mon Benjamin, mon petit grain de sable dise tout à ses mères, elle le comprend. Quelle joie, une humiliation. Cela vaut tous les trésors du Panama, allusion aux pertes faites par M. Martin dans son investissement pour la construction du canal de Panama. Redisons quand il nous arrive de faire une bévue, l'heureuse faute qui me mérite cette humiliation. Quant à nos misères, nous n'avons qu'une chose à faire, en former un petit paquet et le déposer dans le cœur de Jésus, pour qu'il échange en autant de mérite pour la patrie, lettre du 10 décembre 1888. Une toute petite humiliation bien reçue, acceptée avec joie, vaut plus au cœur de Jésus que toutes les plus grandes croix du monde, s'il se niche dans leur acceptation, un peu de recherche de soi-même, un petit grain de vanité, un tantinet d'amour-propre, un iota de quelque chose indigne du cœur de Jésus, LC 95. Et quand reste ce lament de voir sa vêture à journée de 24 heures, quelle déception, le 10 janvier au lieu du 9, Mère Marie de Gonzague la raisonne, ce qui importe, ce n'est pas de prendre l'habit à telle ou telle date, mais d'écouter Jésus demander à son âme, unie à son amour, as-tu compris mon cœur qui t'a choisi pour ne plus faire qu'un avec moi, LC 103. Seul importe le don de Dieu. Quelques mois plus tard, c'est un appel et une prophétie que Mère Marie de Gonzague lui dédie, « Je ne vais pas vous faire rire mais il faut la vérité en toutes choses. Jésus a taillé ma violette pour souffrir, et je ne veux pas être prophète aujourd'hui, mais je puis cependant dire à ma petite fille, c'est la souffrance, plus encore le sacrifice qui vous fera une grande sainte, LC 118. Au dos d'une image, une nuit de Noël. Restons enfants près de notre époux chéri, et à son berceau nous apprendrons la simplicité et l'humilité qui feront de ma bien-aimée fille, une grande et sainte Thérèse de Jésus, CG 1097. On n'en finirait pas de citer ses écrits trop peu connus. Souvent, bien souvent je pense à ma petite fille, j'ai de l'ambition pour elle, avait écrit sœur Agnès de Jésus, LC 77. Mère Marie de Gonzague pourrait signer des deux mains, cette déclaration chacune à sa manière, ces deux mères spirituelles orientent la jeune carmélite vers la haute sainteté. Une parfaite religieuse. Au lendemain de la profession de Thérèse, 8 septembre 1890, la prieure écrit au Carmel de Tours, cet ange d'enfant à 17 ans et demi et la raison de 30 ans, la perfection religieuse d'une vieille novice consommée, et la possession d'elle-même, c'est une parfaite religieuse. Hier pas un œil n'a pu rester ce qu'elle a vu de sa grande et entière immolation, mais le don de soi se monnaie au jour le jour. Et la mère doit soutenir le courage de Thérèse. Je sais que mon enfant est généreuse, et qu'elle ne cherche que la croix de son bien-aimé, qui a été abandonné de tous. Ô enfant bien-aimé, je ne vous abandonne pas dans mon cœur car vous y êtes bien avant. Nous souffrons, Jésus est loin, mais pourtant, que je le vois près du cœur de son épouse. Plus encore, car elle vit tout entière dans cet amour infini. J'envie votre sort, enfant chéri, LC 143. Il faut marcher en âme forte et vigoureuse. Je ne crois pas mon agnelet sans défaut, bien loin de là, je sais très bien qu'il a ses misères, et ce sont elles qui font de notre vie une vie méritoire. Une vie apostolique parce que ce sont les victoires remportées sur les défauts qui obtiennent tout ce que nous voulons. Des âmes à Jésus. Quelle miséricorde! Et mon Jésus, enfant de sa tendresse, vivons d'amour, pour mourir d'amour, puisque notre Sainte Mère a eu ce désir, nous pouvons marcher sur les traces de notre Mère. Nous aimerons si fort au ciel, commençons dès ici-bas notre ciel, LC 144. Tels sont les enseignements de cette prieure, janséniste paraît-il. Respectez le sens unique. Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? Parce qu'on a fait de Mère Marie de Gonzague, en un temps encore peu éloigné, une virago méchante et presque monstrueuse, et la légende à la vie dure, faut-il aujourd'hui l'auréoler de sainteté? Ce n'a certes pas péché par médisance, que de rappeler son défaut dominant, largement signalé dans les dépositions du procès, la jalousie. Longuement interrogée par le père Pia, en vue de réfuter Van der Meersch, sœur Geneviève a bien circonscrit le mal, uniquement lorsque son autorité était en jeu. Thérèse elle-même a fait au moins deux expériences instructives en ce domaine. L'une date de la retraite d'octobre 1891, prêchée par le père Alexis. Selon la coutume de l'époque, chaque sœur va se confesser, par ordre de religion, une fois au début, une fois à la fin de la retraite. Elle a le droit d'y retourner dans l'intervalle. L'incident rapporté relève-t-il du premier ou du second tour? Peu importe. Pour Thérèse, l'heure de passer au confessionnal se trouve pendant le réfectoire. Mère Agnès rapporte. Mère Marie de Gonzague se rendit compte du temps qu'elle avait pris, m'appela et ne me cacha pas sa colère. Elle avait mille soupçons, elle ne pouvait comprendre qu'on ne se contentait pas de sa direction, et d'ailleurs que pouvait avoir à dire cet enfant, etc. Effrayée, sœur Agnès se rend en secret au confessionnal, frappe à la porte et supplie Thérèse de revenir en communauté. Mais comme elle ne vient pas de la part de la prieure, la pénitente lui répond avec calme et d'un ton résolu, « Non, je ne sortirai pas, le bon Dieu veut que je sois ici en ce moment, je dois profiter de ses grâces et de ses lumières. Je supporterai ensuite toutes les peines qu'il enverra, et elle rentre au confessionnal. » Résultat, la prieure lui interdit de retourner voir le père Alexis. Ordre très dur qu'il y ait sa liberté de conscience. Sacristine, Thérèse entend le prédicateur faire les 100 pas dans la pièce contiguë, il n'a guère de clientèle. Elle confie sa douleur à sa maîtresse de noviciat, qui lui conse. Il d'insister auprès de Mère de Marie de Gonzague. Mais pour plus de perfection, elle préféra garder le silence, et obéit avec Notre Seigneur obéissant jusqu'à la croix, confère procès ordinaire 418, procès apostolique 361. L'autre fait est bien connu. Il s'agit de l'avertissement fraternel de Thérèse à sa compagne de noviciat, sœur Marthe de Jésus, vers le 8 décembre 1892. La prieure leur a permis d'avoir des entretiens spirituels. Mais même ainsi, il ne faut pas s'afficher au grand jour, de peur d'indisposer la supérieure. Et Thérèse n'ignore pas qu'elle risque très gros le jour où elle décide de mettre sœur Marthe en garde contre une affection toute humaine envers Mère Marie de Gonzague. C'est encore sœur Agnès qui lui exprime son effroi, « Vous risquez d'être trahie, alors notre mère ne pourra plus vous supporter, et vous serez renvoyée dans un autre monastère. Je le sais bien, mais puisque je suis certaine maintenant que c'est mon devoir de parler, je ne dois pas regarder aux conséquences, CGI 1, 668. Oui, parfaite religieuse, cette sœur Thérèse. Elle sait se taire avec le père Alexis ou parler à sœur Marthe, parce qu'elle garde les yeux fixés sur Jésus seul. C'est lui qu'elle cherche uniquement, dans l'obéissance, même s'il lui paraît certain que les supérieurs se trompent. Manuscrit C, 11 recto. 10. Dans le rang, 1893-1896. Le 13 février 1889, avait vu une élection sans surprise. Le vote communautaire maintenait en charge les trois élus de 1886, prieur, Mère Marie de Gonzague, sous-prieur, sœur Fébroni, économe, et maîtresse des novices, sœur Marie des Anges, troisième conseillère, sœur Saint-Stanislas. Mais la succession s'annonce préoccupante au terme du triennat, car Mère Geneviève de Sainte-Thérèse est maintenant clouée au lit, et Mère Marie de Gonzague ne sera pas rééligible en 1892. Sœur Agnès, Dauphin. Vers la fin de 1891, sœur Agnès entre un jour à l'infirmerie de Mère Geneviève. Elle y trouve Mère Marie de Gonzague. À son entrée, les deux mères baissent le ton et la regardent d'un air énigmatique. Par la suite, on lui laisse entendre qu'il était justement question d'elle, de sa possible élection au prieurat. L'hiver 1891-1892 est néfaste pour le Carmel. Décès de la fondatrice, 5 décembre 1891, épidémie d'influenza qui enlève 3 anciennes en 6 jours et laisse la communauté désemparée, affaiblie. Le chanoine de la Troette écoute les instances des sœurs, qui demandent de sursoir aux élections. Monseigneur Hugonin accorde un délai d'un an. La prieure sortante met ce temps à profit pour préparer les esprits à la solution souhaitée par elle, l'élection de sœur Agnès. Le doigt de Dieu, 20 février 1893. Laissons la parole à la tante Guérin, qui annonce le jour même la grande nouvelle à sa fille Jeanne. Devines-tu qui est nommée supérieure? C'est ta cousine Pauline. Aussi tu ne saurais croire dans quelle émotion elle est aujourd'hui. Ton papa est allé la voir. Elle ne pouvait rien dire. On n'entendait que des petits sanglots, il l'a donc encouragée dans sa nouvelle charge. Heureusement elle aura la mère Marie de Gonzague pour la guider, car c'est un grand poids qui lui tombe sur les épaules, jeune comme elle est. La situation était assez délicate, la mère Marie de Gonzague était présente, et cela demandait beaucoup de tact. Il est certain que notre chère petite Pauline a tout ce qu'il faut pour faire une bonne supérieure, mais elle est si timide, si facile à émouvoir, sa santé est faible, puis elle est bien jeune. Une fois qu'elle aura pris le dessus, et qu'elle sera bien pliée à sa charge, je suis sûr qu'elle sera très bien. Je crois, ma chère petite Jeanne, qu'il sera bon que tu lui écrives une petite lettre. Seulement tu penseras que la mère, Marie de Gonzague pourra la voir, et toi aussi, tu seras astreinte à une certaine réserve. J'oublie de te dire que notre petite Pauline a été élue à l'unanimité des voix. Il paraît que c'est très rare de voir une élection se faire ainsi. On y voyait le doigt de Dieu, CG2, 687. Le doigt de Dieu, guidé par mère Marie de Gonzague, a donc désigné une jeune sœur de 31 ans, totalement inexpérimentée, timide, émotive, mais naturellement douée pour le commandement. Heureusement, mère Marie de Gonzague va pouvoir la guider. Voir. Lune de miel. La docilité de l'agneau facilite les rapports, tandis que Céline et les Guérin sont mis à contribution pour gâter celle qu'on appelle désormais grand-mère. Mère Marie de Gonzague n'a que 59 ans. Grave alerte en avril, l'ancienne prieure fait des crises d'asthme. Que nous avons eu peur hier soir. Qu'elle était malade. Elle me parlait comme une personne mourante, j'étais brisée, je pleurais. Elle me disait que le bon Dieu m'aiderait, qu'elle ne m'était plus nécessaire, que la mère Geneviève serait avec moi, etc. Et me donnait ses dernières recommandations, juge de ma peine, de mère Agnès à Céline, avril 1893. Les fraises ont fait grand plaisir à ma mère chérie qui est encore toute souffrante, vers le 6 mai. Mère Marie de Gonzague s'est donné un grand coup dans l'œil hier, elle n'a pas vu de la journée et souffrait beaucoup. Enfin c'est bien le cas de le dire qu'elle a toujours plaie ou bosse. J'ai bien de la misère, famée. Mais on trouve aussi des notes de ce style. Tu vas dans quelques jours recevoir une lettre à mon adresse, je te prie de ne pas me l'envoyer, mais de me la porter toi-même à l'occasion, ce n'est pas pressé. Il ne faut pas que mère Marie de Gonzague le sache, mai 1993. Diamant poli. Madame Guérin disait juste. Cela demande beaucoup de tact de vivre à l'ombre d'une grand-mère ombrageuse. C'est du Canada cette fois que nous arrivent les premiers échos des difficultés prévisibles. Le père Pichon écrit à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Je connais l'âme de mes filles, le fort et le faible, beaucoup mieux que vous ne pensez, vous ne m'apprenez rien. Mon cœur sent la position délicate faite par Jésus au cher agneau. Et je n'ignore pas toutes les ressources qu'elle tient du ciel pour y faire face. Ma pensée va plus loin que votre plume, et je la sens à l'unisson de votre pensée. En lisant l'histoire des orages petits et grands, que votre plume me confie si finalement, je me suis rappelé ce joli mot de Fénelon, Dieu polit un diamant avec un autre diamant, j'irai doucement. Chère petite bergère, aidez-la à sourire au bouquet de myrrhe, 19 septembre 1893. Au milieu des orages. Le mot est lâché, orage petit et grand. Mais nous n'en saurons guère plus car si les procès parlent abondamment des colères et des scènes épouvantables de mère, Marie de Gonzague à sa jeune prieure, sous le coup de la jalousie, assure-t-on, on chercherait en vain, dans les documents connus à ce jour, des exemples précis. À quel propos ces scènes éclatent-elles? En quels termes se manifeste la colère de grand-mère? Impossible de rien découvrir à ce sujet, même en passant au crible les papiers d'archives. Déception pour le lecteur, peut-être, mais on n'a pas à inventer ce qu'on ignore. À signaler toutefois la réaction de Sœur Saint-Vincent de Paul, pourtant adulatrice attitrée de Mère Marie de Gonzague, et témoigne d'une scène terrible, ô Mère Marie de Gonzague, dit-elle avec indignation, c'est bien mal de faire souffrir ainsi votre mère prieure, procès apostolique, 145. En effet, ce jour-là, Mère Agnès, par ailleurs si émotive, accusait le coup au point de friser l'évanouissement. Point. Thérèse, nommant l'âne. Quoique non visée par ses éclats, Thérèse ne peut pas ne pas en ressentir le contre-coup. Sœur Marie des Anges nous en laisse un témoignage émouvant. Témoin parfois des pénibles difficultés que Mère Marie de Gonzague occasionnait à Mère Agnès de Jésus, devenue prieure, elle souffrait cruellement en silence. Un jour cependant elle me dit le cœur plein de larmes, et d'une tristesse qui se peignait sur son visage, je comprends maintenant ce que notre Seigneur a souffert de voir souffrir sa mère en sa passion, note préparatoire au procès apostolique inédit. La force l'emportait cependant sur les larmes, comme l'atteste un témoin sans complaisance, Sœur Marie-Madeleine, une autre fois je pus juger combien son amour à Thérèse pour notre mère Agnès de Jésus était surnaturel. Il venait d'y avoir une scène violente avec Mère Marie de Gonzague, et comme je me lamentais sur notre mère, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus me dit, je jubile, plus je la vois souffrir, plus je suis heureuse. Ah! Sœur Marie-Madeleine, vous ne connaissez pas le prix de la souffrance. Si vous saviez le bien que cela fait à son âme, dans des occasions comme celle dont je parle, jamais elle ne s'absentait d'un exercice de communauté, ne fût-ce qu'un instant, pour aller consoler ses sœurs. Ce n'était que lorsqu'on l'envoyait chercher, qu'elle sortait pour remettre la paix, NPPO. Il arrivait en effet qu'on vint chercher Thérèse pour remettre la paix. Comme si sa présence, sa sainteté aimante et forte, apaisait les fureurs de Saul contre le petit David. Sa paix contagieuse jouait pour Mère Marie de Gonzague, le rôle d'une sorte de nommant l'âne. Le jour approche où, à l'expiration de ce triennaleux, et au lendemain d'une élection difficile, 21 mars 1896, il lui faudra consoler la vieille mère ulcérée, inconsciente sans doute de récolter ce qu'elle venait de semer. Plus tard, Mère Agnès jugera les choses avec recul. Pauvre Mère Marie de Gonzague. C'est elle pourtant qui avait travaillé à mon élection, mais elle ne pouvait souffrir que je prenne trop d'autorité. Elle m'aurait voulu toujours sous sa domination. Ce que j'ai souffert et pleuré pendant ces 3 ans. Mais je reconnais que ce joug m'était nécessaire. Il m'a mûri et a détaché mon âme des honneurs, souvenir intime. 11. Maîtresse des novices, 1893-1896. Pour avoir transmis le 20 février 1893 à Mère Agnès de Jésus la houlette de prieur, qu'elle sera souvent tentée de reprendre en main avant le temps, Mère Marie de Gonzague ne reste pas pour autant sans responsabilité. La communauté l'a élue première dépositaire. À l'époque, la charge d'économe est pratiquement liée à ce titre. De plus, Mère Agnès de Jésus la désigne comme maîtresse des novices, en remplacement de Sœur Marie des Anges, maîtresse depuis 1886. Celle-ci, aux mêmes élections, était le sous-prieur, la troisième conseillère étant Sœur Saint-Raphaël. C'est dire que Mère Marie de Gonzague participe à toutes les réunions du Conseil, initiant sa jeune prieure à ses nouvelles responsabilités. Le noviciat de 1893. En février 1893, le noviciat rassemble deux professes et une postulante. Voici d'abord Thérèse, 20 ans, qui termine normalement sa formation le 8 septembre suivant. Vient ensuite Sœur Marthe de Jésus, converse, 28 ans, qui poursuit la sienne jusqu'en septembre 1893. Inutile de rappeler son affection débordante pour Mère Marie de Gonzague. Thérèse emploiera un jour une comparaison sans complaisance, celle du chien qui s'attache à son maître, manuscrit C, 21 verso. Quant à Marie-Madeleine du Saint-Sacrement, 23 ans, postulante depuis 7 mois, les converses font alors un an de noviciat, sont peu de sympathie pour sa maîtresse, ressort clairement de ses dépositions au procès de l'ordinaire. Son aversion pour Thérèse n'est pas moins grande, d'ailleurs. En définitive, elle n'aimera jamais qu'une personne mère Agnès de Jésus. On ignore malheureusement le thème des enseignements de Mère Marie de Gonzague aux novices qu'elle réunissait, selon la coutume d'alors, chaque jour de 14h30 à 15h. Une sous-maîtresse. Quand j'entrais au Carmel, je trouvais Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus maîtresse des novices, affirme Sœur Marie-Madeleine dans des notes de 1910, note préparatoire au procès ordinaire, inédite. Assertion fausse, à son entrée le 22 juillet 1892, la maîtresse est Sœur Marie des Anges. Au procès de l'ordinaire, elle rectifie d'ailleurs, au commencement de 1893, 6 mois après mon entrée, Mère Agnès étant devenue prieure, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus devint maîtresse des novices, procès ordinaire, 477. Sur quoi le tribunal l'interrompt, la Mère Marie de Gonzague n'avait-elle pas alors le titre, et l'office de maîtresse des novices? Oui. Répond Marie-Madeleine sans s'embarrasser de périphrase, Mère Marie de Gonzague, ancienne prieure, avait été nommée officiellement maîtresse des novices, mais c'était pour avoir la paix. Elle ne pouvait pas former les novices comme il fallait, et Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, avait reçu la mission officieuse de la suppléer d'une manière aussi discrète que possible dans ce ministère de formation, procès ordinaire. 477. Mère Agnès de Jésus n'a pas parlé autrement, quelques mois plus tôt, elle, Thérèse, fut chargée, à titre d'auxiliaire, de la formation des novices, 1893, étant âgée de 20 ans. Cette charge lui fut d'abord confiée par moi, qui était prieur en 1893, procès ordinaire, 143. Question du juge. Pourquoi seulement aide au noviciat et non pas maîtresse? Réponse de Mère Agnès, devenue prieure en 1893, je crus devoir donner le titre de maîtresse des novices à la mère, Marie de Gonzague qui sortait alors de la charge de prieure, procès ordinaire, 144. Le juge insiste, M. Et pourquoi cette nomination de Thérèse comme auxiliaire? Mère Agnès a son explication. Je me crus obligé par convenance de nommer Mère Marie de Gonzague maîtresse des novices. Mais, à de réelles qualités, se joignaient en elle des lacunes et des défauts, dont j'espérais contrebalancer l'influence fâcheuse en lui adjoignant Sœur Thérèse dans l'exercice de cette charge, ibidem. Au procès apostolique, même son de cloche, pour atténuer le mal autant que possible, je dis à Sœur Thérèse de veiller sur ses deux compagnes. En réalité, c'est sur Sœur Thérèse que je comptais pour conduire le noviciat, procès apostolique, 148. C'était elle en réalité que j'avais chargée des novices, écrit-elle ailleurs, Note préparatoire au procès apostolique Prudence. Que tout cela est donc tortueux et bien féminin. Mère Marie de Gonzague fait élire sœur Agnès Prieur en espérant bien gouverner par disciple interposé. Rappelons qu'au début de son priorat, Mère Agnès est sous l'influence de Marie de Gouzègue, et ce n'est que progressivement, qu'elle prendra son autonomie. Elle nomme Mère Marie de Gonzague maîtresse officielle du noviciat, mais lui donnant une auxiliaire en la personne de Thérèse. Thérèse, chien de chasse, 1894. Le 7 septembre 1893, Sœur Marie-Madeleine reçoit l'habit de carmélite, et commence son année canonique de noviciat. C'est alors, très probablement, que Mère Agnès de Jésus l'oblige à rencontrer Thérèse une demi-heure chaque dimanche, CG 2, 924. La novice racontera elle-même comment, elle se cachait à l'heure convenue, alors elle, Thérèse, me cherchait lorsqu'elle n'avait pu me trouver, et qu'elle me rencontrait ensuite, elle me disait, « Je vous ai cherché et je n'ai pas pu vous trouver », je lui répondais froidement, j'étais occupée et elle gardait dans cette circonstance son visage, calme et souriant, CG 2, 728. On imagine, après cette chasse, ce que pouvait être la docilité de Marie-Madeleine au bon conseil de Thérèse. Celle-ci fut plus heureuse à partir de juin 1894, lorsque Sœur Marie de la Trinité vint rajeunir le noviciat. On peut penser que date de ce moment, la démarche de Mère Agnès auprès de Mère Marie de Gonzague, j'arriverai à faire comprendre à Mère Marie de Gonzague, maîtresse titulaire des novices, que Sœur Thérèse pourrait peut-être lui être utile dans l'accomplissement de sa tâche auprès des novices. Elle se servit en effet de Sœur Thérèse, qu'elle appelait son petit chien de chasse, procès apostolique 148. Thérèse décrit à Céline son rôle auprès de la nouvelle venue, maintenant elle m'aime bien, mais je tâche de ne la toucher qu'avec des gants de soie blanche. Cependant j'ai un titre qui me donne bien du mal, je suis un petit chien de chasse, c'est moi qui cours après le gibier toute la journée. Tu sais, les chasseurs, les maîtresses de novices et prieurs, sont trop grandes pour se couler dans les buissons, mais un petit chien, ça a le nez fin et puis ça se coule partout, aussi je vais. Le ma fille de près et les chasseurs, ne sont pas mécontents de leur petit chien. Je ne veux pas faire de mal à mon petit lapin, mais je le lèche en lui disant avec compassion, que son poil n'est pas assez lisse, que son regard est trop celui d'un lapin de garenne, enfin je tâche de le rendre tel que mes chasseurs le désirent, un petit lapin bien simple qui ne s'occupe que de la petite herbette qu'il doit brouter. Je m'amuse, mais dans le fond je pense que le lapin vaut mieux que le petit chien, lettre 167. Prudence et humilité de l'auxiliaire de Mère Marie de Gonzague. Au surplus, Mère Agnès ne lui facilite pas la tâche en la chargeant de missions secrètes. Car si elle l'a donnée comme ange à Sœur Marie de la Trinité, selon la coutume de l'ordre, pour l'initier aux pratiques extérieures de la règle, la prieure a recommandé de surcroît à la postulante de prendre ses conseils pour sa formation, comme si elle eût été maîtresse de noviciat, témoignage au procès ordinaire. Toujours c'est comme si, ambigu, qui crée une situation fausse à souhait. Quoi d'étonnant alors si Mère Marie de Gonzague, remarquant que l'influence de Thérèse devenait trop effective, en prit ombre à Gérard Brouha son auxiliaire, confère procès apostolique, 148. Il fallait toujours, en effet, que Thérèse parlât aux novices comme compagne, ou bien la jalousie de la pauvre mère Monsieur de G, s'éveilla et des scènes avaient lieu, NPPA, Prudence. On verra comment, même après 1896, la servante de Dieu continua, jusqu'à sa mort, ce rôle mal défini près des novices, procès apostolique 149. Mais qu'en pensait finalement Mère Marie de Gonzague en son for intérieur? Elle écrira un jour en marge de l'acte de profession de Thérèse, Elle remplit la difficile obédience de maîtresse des novices avec une sagacité et perfection, qui n'avait d'égal que son amour pour Dieu pour viser les années 1896-1897. Ce texte n'en est pas moins précieux, et tout à l'honneur de sa rédactrice. La mort de Monsieur Martin, 29 juillet 1894, laisse à Céline la liberté de suivre sa vocation. Elle était prête à voler bien loin pour trouver Jésus, mais Jésus la fit voler tout près. Il se contenta de l'acceptation du grand sacrifice qui fut bien douloureux pour la petite Thérèse, manuscrit à 82 versos. En ces quelques lignes de 1895, Thérèse rappelle le projet du Pépichon, qui attendait Céline au Canada pour fonder une sorte d'institut séculier avant la lettre. Les trois sœurs de Thérèse, elles, attendaient Céline au Carmel. C'était d'ailleurs le vœu profond de celle-ci. Il semble qu'on n'ait pas informé Mère Marie de Gonzague du dessein du Pépichon. Pauvre mère, elle ne sait rien du tout, tu vois comme nous sommes discrètes, lettre 168. En revanche, elle reçoit communication, avant envoi, de la lettre de Céline à Monsieur de Lettrolette, sollicitant son admission au Carmel, fût-ce comme converse. Mère Marie de Gonzague a bien pleuré en lisant ta lettre, ibidem. Elle va jeter dans la balance tout le poids de son prestige auprès du supérieur, qui craint toutefois que l'entrée d'une quatrième sœur ne soit opposée à l'esprit, et même à la lettre de la règle. Monsieur de Lettrolette se réserve de traiter avec qui de droit cette grave et si importante question, CG2, 783. Monseigneur Huguenin, ce qui de droit concède l'admission de Céline à titre de bienfaitrice. Il n'en résultera aucun privilège pour la nouvelle postulante, qui porte donc à cinq recrues le jeune bataillon confié à Mère Marie de Gonzague. La prieure, Mère Agnès de Jésus, renouvelle a fortiori pour Céline, la décision prise trois mois plus tôt à propos de Marie de la Trinité. Thérèse sera son ange mais, en fait, avec plein pouvoir pour sa formation spirituelle, parallèlement à celle dispensée par la maîtresse en titre. Immense joie pour Thérèse. Que de fois n'en avait-elle pas rêvé? Ah, si ma Céline était là près de moi! Mais non. Ce serait un trop grand bonheur pour la terre. Et cela me semblait un rêve irréalisable. Pourtant ce n'était point par nature que je désirais ce bonheur, c'était pour son âme, pour qu'elle marche par notre voie. Et quand je l'ai vue entrer ici, et non seulement entrer, mais donner à moi complètement pour l'instruire de toutes choses, quand j'ai vu que le bon Dieu faisait cela, dépassant ainsi mes désirs, j'ai compris quelle immensité d'amour il a pour moi, CJ16, 7, 2. En fait, les deux sœurs reprennent leurs entretiens spirituels du Belvédère, 1887, prolongés depuis lors en de fréquents parloirs. Mère Marie de Gonzague ne peut qu'y souscrire. Mais le rôle de formatrice proprement dit, concédé à Thérèse, ne se déploiera que progressivement, comme le prouve un épisode intéressant quant à la méthode de la maîtresse en titre. On est à la fin de février 1895 ou au début de mars. Thérèse vient de composer l'un de ses plus beaux poèmes, Vivre d'amour. Sœur Marie de la Trinité en est si enthousiasmée qu'elle en rêve. Une nuit, elle commente en songe, à l'intention de sa jeune sœur, l'un des plus beaux vers de Thérèse, t'aimer, Jésus. Quelle perte féconde, je sentais bien, raconte la novice, que mes paroles pénétraient dans son âme et j'étais ravie de joie, manuscrit C, 24 versos. Idée lumineuse, après le carême, Marie de la Trinité écrira à sa sœur pour lui dire, que Jésus la veut tout à lui. Soit, répond Thérèse, mais il faut d'abord en demander la permission à notre mère. C'est ainsi qu'à l'époque les novices appellent leur maîtresse. Mère Marie de Gonzague est surprise d'une demande aussi prématurée, car le carême est loin de toucher à sa fin. Elle répond à la novice que ce n'était point par des lettres que les carmélites doivent sauver les âmes mais par la prière, manuscrit C, 25 recto. Nous voilà fixés sur le bon sens de Mère Marie de Gonzague, et surtout son sens carmélitain, priorité de la prière sur toute autre forme d'apostolat. Thérèse nous apprend l'issue de l'affaire, par la seule prière et avant toute lettre, la sœur de Marie de la Trinité, se consacre à Dieu avant la fin du carême, c'était un véritable miracle de la grâce, ibidem. En introduisant cet épisode dans son manuscrit C, Thérèse a précisé, « Je ne m'occupais alors que de l'unique novice, qui se trouvait ici et dont j'étais l'ange. » Manuscrit C, 24 verso. En effet, Marthe et Marie-Madeleine, professent l'une et l'autre, ne sont plus à proprement parler novices, ou du moins Thérèse ne s'occupe plus de leur formation. Elle semble même oublier sa chère Céline, qui a pris l'habit le 5 février 1895, et dont elle s'occupe bien quelque peu. Et sœur Marie de la Trinité, lui était plus spécialement confiée. Des saints pas composés. Mère Marie de Gonzague eut-elle connaissance de l'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux? Les tout premiers jours, sans doute pas, cette mère Agnès, prieur, que Thérèse en parle dès le 9 juin 1895, surtout pour lui demander l'autorisation d'associer sa sœur Céline à une démarche aussi importante. Mais peu après, sœur Geneviève fait part de son bonheur à son père spirituel d'alors, le père Lemonnier, de la délivrande, qui lui répond sans retard, CG2, 808. À titre de maîtresse, Mère Marie de Gonzague voyait tout le courrier des novices, à l'aller et au retour. La voici donc informée. Quelques jours plus tard, le 14 juin, en faisant son chemin de croix, Thérèse reçoit la blessure d'amour, qui consacre son holocauste et la désigne, à son insu, comme chef de file d'une lignée spirituelle. Cette grâce d'une forte intensité, eut-elle des répercussions physiques, qu'aurait remarqué Mère Marie de Gonzague? Une tradition orale établit un lien entre la dite blessure d'amour, et le billet qui va suivre, confère CG2, 809 secondes. Il vaut d'être cité intégralement, car il nous renseigne sur la mentalité, voire la spiritualité de la maîtresse des novices. JMJT d'après ce que l'on m'a dit ce soir, je me suis heureusement trompé, ma double novice et fille bien-aimée n'a rien qui la fatigue, de gratia. J'aime mieux les blessures faites à ma fille que le dard de la pauvre mère sainte Ephrem religieuse de la Providence de Lisieux, Mère Geneviève lui a écrit, voir ici. Ô enfant, qu'il y a d'illusions dans ces têtes remplies de ces grandes choses. Comme nous sommes heureuses de préférer la gaieté, la simplicité de notre Sainte Mère à toutes ces dévotions qui fatiguent, même à entendre. Comme elle savait unir à ses grandes voix, l'amabilité qui charme le cœur, elle savait aimer et se faire aimer. Vive son tambour et son turlututu. Ces lignes étaient commencées hier soir, mais notre aimée petite mère, est venue se reposer sur le cœur de sa pauvre et indigne vieille fille. Moi j'ai quitté ma fille pour ma mère en les aimant l'une et l'autre du plus profond de mon cœur. Soyons des saintes, mais pas composées par une fausse dévotion. Votre pauvre mère. Une sixième novice, 15 août 1895. Marie Guérin avait senti se confirmer sa vocation de carmélite en assistant, le 24 septembre 1890, à la prise de voile de Thérèse. Son entrée aurait eu lieu dès 1893, sans une fièvre muqueuse qui l'affaiblit plusieurs mois. En 1895, elle semble assez solide pour affronter les rigueurs de la règle. Mais quatre sœurs et une cousine germaine dans une communauté de 25 membres en moyenne, n'est-ce pas beaucoup, et la porte ouverte à la constitution d'un clan? Mère Marie de Gonzague ne semble pas le penser à l'époque. Nul doute que son crédit auprès du supérieur, et de l'évêque n'ait pesé en faveur de cette admission, au titre de bienfaitrice également. Le petit groupe qu'anime la maîtresse avec beaucoup de jeunesse de cœur, s'enrichit donc d'un sixième membre. La moyenne d'âge est de 25 ans, Thérèse n'en compte encore que 22 et demi. Plus encore que Mère Marie de Gonzague, Thérèse se trouve comblée, en pleine découverte de sa petite voie, elle tente de faire de ses compagnies autant de disciples. En fait, elle ne réussira vraiment qu'avec Sœur Geneviève et surtout la Benjamine du groupe, Marie de la Trinité. Texte inachevé de Sœur Cécile, 1929-2010, Carmélie de Lisieux. À l'auteur de ces lignes qui l'interrogeait, voici 30 ans, au sujet de Mère Marie de Gonzague, Sœur Geneviève, octogénaire, répondait avec conviction, mais on l'aimait. Mais vous l'auriez aimé. Seulement, poursuivait-elle avec une mimique appropriée, on la craignait comme on craint un orage, quand on n'a pas de parapluie. Mark and Danvers de Presse.com. D'après archives-carmel-lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.